Chapitre 19e. Il escalada vivement la balustrade, et en arrivant sur la terrasse, il enlaça Juliette dans ses bras. Il s'était attendu à la résistance, ce fut l'élan et l'abandon qu'il rencontra. À son étreinte, elle répondait par une étreinte passionnée, à son baiser violent par un long baiser. Serrée contre lui, la tête renversée en arrière, elle plongeait ses yeux dans les siens, et sous le feu de ce regard aimé, elle défaillait, brûlante et glacée. Mais l'homme ne sait pas comme la femme se perdre dans le bonheur. Il n'a pas plutôt goûté une joie que, sans attendre qu'elle soit épuisée, il en demande une autre. Ainsi, dit-il en détachant ses lèvres des lèvres de Juliette, tu ne m'en veux pas de t'avoir désobéi. Je t'attendais, dit-elle en frémissant. Et, toujours serrée contre lui, la taille cambrée, les lèvres entr'ouvertes, elle le contempla dans une muette extase. Puis, desserrant ses bras et le repoussant doucement, elle l'amena sous le rayon de la lune, de telle sorte que la lumière l'éclaira en plein visage. Alors, se reculant d'un pas, « Laisse-moi te regarder, dit-elle, laisse-moi te voir. » Ils restèrent ainsi en face l'un de l'autre, lui dans la lumière, elle dans l'ombre. Ils ne parlaient point, mais entre deux cœurs qui battent sous une même impulsion, il y a un langage mystérieux mille fois plus éloquent que les paroles les plus ardentes et les plus passionnées. Ils se regardaient, et de l'un à l'autre passait une flamme qui les embrasait. « Oh, tes yeux » dit-elle enfin d'une voix profonde. Il voulut se rapprocher d'elle, et il s'avança, les bras étendus, les lèvres entr'ouvertes, mais elle le retint, et le prenant par la main, elle le fit asseoir près d'elle. « Là, » dit-elle, tout près l'un de l'autre, pour nous entendre à mi-voix. Elle lui abandonna sa main, qui l'enserra dans les siennes. Puis, pendant quelques minutes encore, ils se contemplèrent en silence. Autour d'eux, tout était calme. La nature était endormie, et cette nuit semblait faite à souhait pour l'éclosion de leur amour. Pas une voix humaine, pas un cri d'insecte, pas un bruissement de feuilles, partout un silence profond et une immobilité complète. Sur les eaux de la rivière et sur les prairies, une lumière éblouissante. Dans les jardins, sous les arbres, contre les murs, des ombres mystérieuses. Dans l'air paisible, un parfum pénétrant qui se dégageait des fleurs rafraîchies par la rosée du soir. « Ainsi, dit-elle, vous m'aimez. Ah, chère Juliette, je t'adore. » Et se mettant à genoux devant elle, il resta à la regarder, ne trouvant pas de mots pour parler de son amour et l'exprimer. Et cependant, tantôt, vous vouliez partir, vous éloigner de moi. Parce que j'étais à bout de force et que je ne pouvais plus me taire. Et après que vous avez parlé, quand moi je vous ai demandé de partir, vous ne l'avez plus voulu. Comment partir quand je savais que tu m'aimais? Quand ton baiser me l'avait dit, quand ta main me l'avait écrit? Ah, mon ami, ne me rappelez pas cette folie. Et pourquoi nommer folie cet acte de franchise et de sincérité? Avez-vous peur de me voir garder cette lettre et voulez-vous que je vous la rende? Il lui tendit cette lettre, mais elle ne la prit pas. « Non, dit-elle, je veux qu'elle soit toujours entre vos mains, comme je suis en ce moment entre vos bras, pour affirmer mon amour. Je ne vous aimerais pas si je n'avais pas foi en vous. » Est-ce que l'amour existe sans la confiance? La folie n'est pas de vous laisser cette lettre. Mais ça a été folie de l'écrire, folie de vous écouter. Quand je vous ai écrit, j'ai cru que vous écouteriez ma primaire et que vous partiriez. Alors j'ai voulu que vous emportiez avec vous une parole de consolation qui vous ferait vivre loin de moi, comme votre baiser me ferait vivre loin de vous. Mais vous n'êtes pas partie. Chère Juliette, vous n'avez point écouté ma prière. Le pouvais-je? Vous avez accepté mon aveu, mais vous avez repoussé ma demande. Je n'ai eu qu'une pensée, te revoir, et entendre de tes lèvres ce mot qui brûlait mes yeux, Juliette. » Elle lui prit la tête entre ses deux mains, et s'approchant de son visage, elle le regarda longuement. « Juliette, Juliette !» Elle continua de le regarder. « Juliette ?»« Eh bien oui, je t'aime. Es-tu heureux ?»« Je t'aime. Veux-tu l'entendre encore ? Veux-tu l'entendre toujours ? Je t'aime, je t'aime. » « Ah, Tu n'auras pas plus de bonheur à l'entendre que je n'en ai moi à le prononcer. Et je serais parti. Ah non, je ne savais pas quel accueil tu me ferais, mais j'ai voulu te revoir. » Il lui dit alors comment, en sortant de chez elle, il avait été prendre un bateau à Joinville, comment il était venu se placer vis-à-vis sa maison, comment il était resté dans les angoisses de l'attente, comment, la nuit venue, il l'avait désespéré, comment il avait cependant persisté, comment il l'avait aperçu, enfin, comment il avait débarqué, résolu, coûte que coûte, à obtenir cet entretien qui devait décider sa vie. « Ainsi, dit-elle, quand j'ai entendu ce bruit dans l'ombre, c'était vous, et l'idée ne m'est pas venue que vous étiez là. Pendant qu'à 10 pas de moi, vous me regardiez, je restais les yeux perdus dans ces profondeurs sombres là-bas du côté de Chennevières. Je m'efforçais de percer les ténèbres et par l'esprit de vous voir. Que fait-il? Que pense-t-il? Je me disais, peut-être vais-je le voir, peut-être va-t-il m'apparaître tout à coup. Mais quand ma raison se fixait sur cette idée, je me disais que c'était un rêve de la nuit. Et cependant, vous êtes apparu là. Et tes bras se sont étendus vers moi pour me repousser. Cela est vrai. Mais quand tu es arrivé jusqu'à moi, quand mes yeux ont rencontré les tiens, mes mains, qui avaient voulu te repousser, t'ont attiré. Alors pourquoi me repoussais-tu? Je vous repoussais, comme quelques heures plus tôt je vous disais de partir. Ce n'était pas mon cœur qui vous repoussait. Comme ce n'avait pas été mon cœur qui avait voulu vous éloigner, c'était ma raison. Loin de vous, je peux résister à cet amour. Mais près de vous, je suis fasciné, entraîné, et ma raison n'existe plus. Je ne suis plus moi, je suis vous. Peu à peu, il s'était rapproché d'elle, et il la tenait si étroitement serrée qu'elle était dans ses bras. Il voulut l'enlacer plus étroitement encore. Mais elle le repoussa, et s'étant dégagée, elle vint s'adosser à la balustrade en plaçant une chaise entre eux. « Je vous prie, dit-elle, je vous en supplie, écoutez-moi et laissez-moi toute ma raison pour que je puisse vous dire librement ce que je dois vous dire. Ne me regardez pas ainsi et restez là où vous êtes, dans ce rayon de lumière. Vous ne me croyez pas une femme coquette, n'est-ce pas? Et par ce que j'étais avec vous, vous pouvez juger si je suis capable de calcul ou de tromperie. Oui, je vous aime, je vous l'ai dit et je vous le répète. Oui, je veux vous voir. Mais je ne vous verrai qu'à une condition, et c'est cette condition qu'il faut que je vous explique. » Il fit un pas en avant et voulut écarter la chaise placée entre eux, mais elle le retint. « C'est précisément cette ardeur, dit-elle, qui m'oblige à cette explication. Je ne suis pas libre. Non seulement j'ai un mari, mais encore j'ai un enfant. Eh bien, ce que je veux vous dire, c'est que je ne m'exposerai jamais à être séparé de mon fils. Mais je ne veux pas vous séparer de votre enfant. Je ne suis pas jaloux de la tendresse que vous ressentez pour lui. Vous savez bien que ce n'est pas là ce que j'ai voulu dire. Et vous serez assez généreux pour ne pas m'obliger à des paroles pénibles. Ce que je veux, c'est vous voir. Et c'est avoir mon fils sans être exposé à le perdre. Si vous m'aimez assez pour consentir au sacrifice que je vous demande, nous nous verrons chaque jour. Ma vie sera la vôtre. Et tout ce qu'il y a en moi de dévouement, de tendresse, d'amour, sera à vous. Et si je ne peux pas m'enfermer à jamais dans ce rôle, alors ce serait à moi de partir. Et je demanderai à mon mari de m'emmener n'importe où, au bout du monde. Il est homme, vous le savez, à ne pas me refuser. S'il le fallait d'ailleurs, je lui dirais la vérité. Elle s'arrêta, et après l'avoir regardé durant quelques secondes, elle lui dit d'une voix que l'émotion voilait. « Voulez-vous venir là, près de moi ?» Il hésita un moment. Mais il l'aimait trop sincèrement et il était d'ailleurs trop heureux pour résister à cette voix. Il écarta la chaise. « Me voici, dit-il, est-elle que vous le voulez ?» Alors elle lui prit la main, et l'ayant forcé à s'asseoir, elle se mit à genoux devant lui. « Maintenant, dit-elle, causons librement de toi, de moi, si tu le veux, de notre amour, et jouissons jusqu'au bout de cette belle nuit faite pour nous. Est-ce que jamais la lune a été aussi radieuse? Est-ce que jamais les roses ont exhalé ce parfum? Il me semble que je nais à la vie, au moins à une vie nouvelle. » Les heures s'écoulèrent vite pour eux. Ils furent tout surpris de voir une lueur blanche poindre du côté de l'Orient et peu à peu s'élever dans le ciel. C'était l'aube, il fallait se séparer. « Je ne veux pas que tu reprennes le chemin par lequel tu es venu, » dit Juliette, « et je vais t'accompagner par l'escalier qui, de cette terrasse, descend au jardin. La clé doit être dans la serrure. » Mais il n'était pas aussi facile de se quitter qu'il l'avait cru, et leurs bras refusaient de se détacher. Ils mirent plus d'une demi-heure à franchir les 15 pas qui les séparaient de l'escalier. Pendant ce temps, l'aube blanche commençait à se teindre en rose. Il fallait se hâter. Ils arrivèrent dans le jardin. « Je vais te conduire jusqu'à la rivière, » dit Juliette. « Et si l'on te voit, je ne peux pas te quitter. » Elle lui prit le bras et doucement elle s'appuya sur lui. « Allons lentement. » Ils descendirent à petits pas. Les oiseaux déjà s'éveillaient dans le feuillage. « Quand nous reverrons-nous ? » demanda Hérole. « Demain, c'est-à-dire ce soir. La nuit qui vient nous appartient encore. » À mesure qu'ils descendaient vers la rivière, Juliette ralentissait le pas. Hérole marchait, penché sur elle, et à travers ses vêtements, il sentait la chaleur de son corps. En passant devant une grande corbeille de pivoine qui était en fleurs, elle s'arrêta. « Il faut que je te donne une fleur, » dit-elle. Mais ce ne fut pas seulement une fleur qu'elle cueillit, ce fut tout un bouquet, toute une brassée de magnifiques pivoines rouges, roses et blanches, sur les pétales desquelles roulaient des perles de rosée. Elle lui mit dans les bras. « C'est notre bouquet des fiançailles, » dit-elle. « Par malheur, il sera bien vite fané, mais si tu le veux, tu peux le rendre éternel. En rentrant, mets-le dans un vase et fais-en un tableau que tu me donneras. Je l'aurai sans cesse sous les yeux pour me rappeler cette nuit et notre amour. » Les étoiles s'étaient éteintes. Il n'y avait plus une minute à perdre. Un jardinier matineux pouvait apparaître d'un moment à l'autre. Une dernière fois, ils s'embrassèrent et il sauta sur le mur. « À ce soir !» Mais elle ne voulut remonter l'allée du jardin que lorsqu'elle eut vu le bateau disparaître au loin dans le brouillard qui, comme une fumée blanche, se traînait sur la rivière.